Regardez-moi, je pleure sur les terres, parti en guerre, mon plus jeune frère. Et j'ai dit à mon père, le ciel le rendra, mais ma mère est bien, ne me crois pas. Sur la frégate, nommé Désiré, mon frère embarqué, un mois de janvier. Puis ma mère, puis mon père, puis ma soeur, puis sa belle. Était là, à lui jeter des adieux. Et puis mon père, le regard blessé, et me dit, lui, ton frère, travaille la terre. Toi, premier fils, avec parole et bout de bois, t'agites tes grands doigts, et tu chantes, et tu chantes. Et puis ma mère, et puis mon père, et puis ma sœur, et puis sa belle, ont pleuré à chaudes larmes les adieux de mon frère. J'ai donc chanté, je le ramènerai, croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. Mon père m'a dit, eh bien alors vas-y, travailler, guerroyer, sont bien mieux que chanter. Je suis donc parti, rejoindre les bataillons, parti en déraison, conduit par la nation. Et que vive et vive, et flammes et fusils, loin de nos femmes, on parodie nos vies. Et mon frère, je l'ai bien vu, à la mer et ses promesses, la promesse de la mer, je ne rendrai pas à mon père. Et puis ma mère, et puis mon père, puis ma sœur, et puis sa belle, ont pleuré à chaudes larmes les adieux de mon frère. J'ai donc chanté, je le ramènerai, croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. L'âme des héros est au chevet de son cœur, s'agite noblement et lui fait quitter la vie. Et puis ma mère, et puis mon père, et puis ma sœur, et puis sa belle ont appris la nouvelle et triste et s'envole. Et moi j'ai nagé vers les bretonnes falaises, et j'avoue être fuyard ou bien déserteur. Et de ville en village, de visage sans âge, j'ai chanté les histoires de guerre. Pour ma mère et pour mon père, pour ma sœur et puis sa belle. Pour ma mère et pour mon père, pour ma sœur et puis sa belle. Pour ma mère et pour mon père, pour ma sœur et puis sa belle. Pour ma mère et pour mon père, pour ma sœur et puis sa belle. Et surtout, mon frère.